vous êtes à l'écoute de... Bonsoir, ce soir les transgenres ne sont pas en studio parce qu'on a prévu de rediffuser une émission impossible numéro 5 sur le rapatriement forcé et violente qui a été enregistrée lundi 13 mai 2019 à 11h au siège de Brussels Airlines par Radio Panique. Bonne écoute. Émission impossible. L'émission qui se passe dans des lieux impossibles. Nous sommes en live sur Radio Panique. On vient tout juste d'arriver sur le siège de Brussels Airlines. La police vient également d'arriver. Donc c'est parti pour une heure d'émission impossible. Ceci, on va essayer du moins une heure d'émission. Alors pourquoi le siège de Brussels Airlines? Alors on va mettre au clair les choses tout de suite. On ne va pas vous faire voyager sous le soleil et les palmiers, mais on va plutôt vous emmener dans les rouages de la machine à expulser. Si ça, c'est pas dingo comme programme. Faire entendre ce que le gouvernement tente de taire, écouter la voix de celles et ceux dont on a confisqué les mots, mais surtout couper les ailes aux expulsions. Brussels Airlines se rend en effet complice de la violence d'État et s'enrichit sur la chasse aux personnes migrantes. L'État belge déporte, Brussels Airlines transporte. Mais les expulsions, ce n'est pas seulement du kérosène, des flics et des avions. C'est aussi des rafles, des centres fermés, des morts et encore des flics. La machine à expulser, c'est une grosse machine qui est amorcée par les frontières et qui se concrétise par les expulsions. Et autant dire que les personnes expulsées ne sont pas sur un nuage bien avant le décollage, pour citer les slogans de Brussels Airlines, mais plutôt sous pression bien avant l'expulsion. Les expulsions, c'est aussi des murs, des barrières, des barbelés, utilisés pour trier et stigmatiser des êtres humains. Les frontières font des victimes et elles sont nombreuses. On pense notamment à Semira, morte il y a 20 ans, assassinée par la police, ou encore à Maouda, gamine de 2 ans, morte l'année passée, aussi assassinée par la police. Maouda, Semira, ni oubli ni pardon. La police et les compagnies aériennes collaborent volontairement à ces politiques dont le coût financier, mais surtout humain, est désastreux. On va enchaîner avec une phrase qu'on aime beaucoup et qui explique assez bien ce pourquoi on est là. Il ne faut pas que le welcome ne l'emporte sur le no border. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? En fait, l'accueil et les aides sont évidemment absolument nécessaires. Les personnes migrantes ont besoin d'hébergement, de nourriture, d'aide. Mais la lutte contre les frontières est aussi essentielle et primordiale. Il faut faire des actions, il faut continuer à dénoncer, à s'indigner, mais surtout à agir. Sans les luttes, le système qui permet l'oppression et la répression perpétue tranquillement, pendant que les frontières, elles, continuent à être meurtrières. Pendant que deux blocs, Franken et les autres, poursuivent leur politique raciste et anti-migratoire, en érigeant des prisons, en expulsant toujours plus. Bref, nous sommes là aujourd'hui pour pointer la complicité de Brussels Airlines dans les expulsions, mais aussi et surtout pour dénoncer un système répressif global. Alors, on va avoir besoin du public pour pointer la complicité de Brussels Airlines. Et ils sont là! No border, no nation, stop deportation! No border, no nation, stop deportation! No border, no nation, stop deportation! No border, no nation, stop deportation! No border, no nation, stop deportation! Niemand! Niemand is illegal. Niemand, niemand, niemand is illegal. Niemand, niemand, niemand is illegal. Niemand, niemand, niemand is illegal. Alors, là, maintenant, on va quand même explorer un petit peu ce qu'est une expulsion. Alors, une expulsion, en fait, ça se passe en 3 phases. Enfin, logiquement. Premièrement, légalement, lors de la première tentative d'expulsion, les détenus et les détenues sont emmenés à l'aéroport. Et on a le droit de refuser de partir. Enfin, en pratique, la police leur demande avec insistance si elle et ils ne veulent pas quand même partir en disant « La prochaine fois, ce sera avec escorte et ce sera vraiment pas chouette. » Si elles refusent, ils et elles seront ramenés dans le centre, qui ne sera pas toujours le même centre fermé, pour les éloigner de leurs amis ou de leurs connaissances. Ensuite, si la personne refuse de partir sans contrainte, une escorte de policiers viendra la chercher. Ils l'accompagneront jusqu'à l'avion et lui demanderont d'y embarquer. Si la personne refuse sans violence, ils ramèneront en principe la personne au centre fermé sans forcer à monter et préviendront tout de même que la prochaine fois, ça va chier. Troisièmement, en cas d'échec, les policiers reviendront la chercher et pourront forcer la personne à entrer dans l'avion et faire tout le trajet jusqu'à son pays d'origine ou un autre pays qui l'accepte. Ensuite, si cette étape échoue, parce que la personne résiste, les policiers peuvent réessayer de l'embarquer de force sur un autre vol régulier par la suite. Il y a effectivement eu des exceptions très rares à cette règle où, dès la première tentative d'expulsion, l'escorte était déjà là sans prévenir. Alors, petit flash info. Alors ici, donc, on est entouré par les personnels de Bruxelles Airlines ainsi que pas mal de policiers. Et bah, tout se passe bien, dehors, on crie des slogans ici aussi. Voilà, je pense que le personnel a bien compris le message. D'abord, ils ne voulaient pas du tout qu'on commence la radio, mais bon voilà, on a été remis le baffle, mais pour le reste, tout va bien. On espère pouvoir continuer en tout cas l'émission ici au siège de Bruxelles Airlines. Alors, je continue les étapes des expulsions. J'en arrivais à est-ce que les policiers peuvent utiliser la force ? En tout cas, dit la législation, s'ils l'utilisent, les policiers doivent toujours tenir compte de la santé et de la sécurité des personnes expulsées et de celles des autres passagers. En fonction du comportement, ils peuvent notamment utiliser, avec l'accord du commandant de bord, des menottes, mais à titre strictement exceptionnel, jamais en attachant à un point fixe. Alors, utilisez aussi une ceinture, quick release, donc c'est-à-dire que se détache facilement, des attaches en nylon, des bandes velcro pour ligoter les pieds et les genoux, des casques de boxe uniquement sur les vols sécurisés, mais ils ne peuvent pas utiliser des moyens dangereux ou dégradants, comme par exemple des armes, des objets qui bloquent ou entravent la respiration, des médicaments, notamment anesthésiants ou sédatifs, des techniques pour plier la personne en deux ou la comprimer sa cage thoracique. Donc toutes ces choses, c'est en théorie, mais dans la pratique, c'est autre chose. On va encore créer un slogan. Quelqu'un, parce qu'avant qu'on ait peut-être évacué ici. Alors je ne sais pas si les commandants et les commandantes de bord captent la radio dans le cockpit, mais si par chance, ils et elles écoutent Radio Panique, ne donnez plus votre accord pour ces pratiques abjectes que sont les expulsions. Merci. 105.4 FM, Radio Panique. Alors on va écouter dans un instant le témoignage d'une personne qui a été expulsée, mais qui a subi plusieurs tentatives d'expulsion. Donc on écoute le témoignage de Ben, un Togolais qui a subi donc plusieurs tentatives, comme je viens de le dire. Quand je pense à ça, ça me fait beaucoup de mal. J'ai subi une violence de la part des policiers. Ils m'ont torturé et je porte actuellement des cicatrices sur le corps. Et les policiers qui sont censés nous protéger, c'est eux-mêmes qui nous brutalisent. Ça, nous sommes au 21e siècle, je suis désolé. Donc la Belgique est toujours encore en arrière sur ce domaine. Ça, c'est très grave. Même tu portes plainte, tu n'as pas gain de cause. Je ne veux plus revivre ce qui s'est passé. C'est pour moi, quand je pense à ça, ça me fait très mal. Parce que je ne sais pas ce qui m'attend actuellement, bientôt, à l'aéroport de Zaventem. Parce que c'est les mêmes personnes qui travaillent. Ils vont toujours employer la même méthode, la torture, brutaliser les demandeurs d'asile. Je ne sais pas ce qui m'attend encore. À la veille de mon départ à l'aéroport, malgré que... Je suis malade, j'ai passé presque 2 semaines à l'infirmerie au centre de Caricol. Ils m'ont mis à l'isolement ici, mais la chambre même était très froide, le lit, il n'y avait même pas de couverture, mais ils m'ont déshabillé au centre ici. Comme si je suis un criminel, ils m'ont amené le matin à l'aéroport de Zaventem et où les policiers ont passé une peine fin, c'est-à-dire ils m'ont déshabillé. Ils ont fouillé mes parties intimes. Après, comme ma vie est en danger, j'ai eu une lame de rasoir dans ma bouche. J'ai enlevé la lame de rasoir. Je me suis fait blesser. Que le sang sortait comme ça, il allait me ramener à l'hôpital. Le policier me dit que il préfère que j'aille mourir au Togo, qu'on ne peut pas m'amener à l'hôpital. Ils m'ont menotté avec la menotte métallique. très serré. Donc, actuellement, j'ai encore des traces, des cicatrices sur le bras. Quand j'attends, quand les passagers sont rentrés dans l'avion et le commandant de bord donne le signal que nous allons décoller, j'ai commencé par crier au secours, aidez-moi s'il vous plaît. Ma vie est en danger au Togo, je ne peux pas rentrer. Le policier s'est jeté sur moi, deux policiers qui voulaient m'étrangler. Quelqu'un et un policier a fermé ma bouche et le nez simultané. Je n'arrivais plus à respirer. Ils m'ont mis mon cou, ma tête sous le siège et actuellement j'ai problème de cou. Et un passager, un Congolais, s'est levé que, mais il a commencé par crier, si vous voulez le tuer ou quoi, c'est un demandeur d'asile. Et tous les passagers sont levés. C'est en ce moment qu'ils m'ont ramené dans leur fourgonnette qui est garée au pied de l'avion. Et d'un seul coup, quand ils m'ont fait descendre dans l'avion, ils m'ont jeté dans la fourgonnette comme si j'étais un carton. Après, ils m'ont ramené dans leur poste et un policier me disait que je vais revenir et cette fois-ci, ça serait plus pire. Que la partie n'est pas encore terminée. Donc, avec tout ce que j'ai vécu, si je pense à ça, j'ai le cœur qui bat très fort. J'ai vu la ville et ses tours de verre qui s'élèvent vers la voûte céleste. La voûte céleste. Frontière surveillée par les Cerbères. Mer et désert transformés en cimetière. Plus de place au royaume des privilèges. Rue terre nous échouent les rêves. Chimères publicitaires. Les métros sales déversent des bureaucrates aux cernes épaisses. Code universel. On s'exprime tous en langage des chiffres. Rapport virtuel. Émotions statistiques. Dépenses frénétiques. Et ses tours de verre qui s'élèvent vers la voûte céleste. Asphyxié par l'asphalte, j'ai entendu crier la croûte terrestre. Autour des carcasses, les rapaces se pressent. On a sacrifié les faibles, c'est la jungle urbaine. Animal technologique, docile à la doctrine du profit. Libellules posées sur leur marais. J'ai avalé la pilule, la matrice n'a plus d'attrait. Libellules libérées de Babel, je m'envolerai dans un battement d'ailes. Avant de mettre les voiles, laisse-moi me brûler les ailes sous les lumières artificielles, une dernière fois. Avant de mettre les voiles, laisse-moi gratter le ciel pour chatouiller les étoiles du bout de mes doigts. Ok, c'est une petite intervention à l'extérieur parce qu'on est peu nombreux encore à l'intérieur, mais on est là, voilà, et on continue. On continue l'émission sur Radio Panique 105.4. Alors, on ne pouvait évidemment pas parler des expulsions sans évoquer Semira Adamou. Les expulsions, ce n'est effectivement pas nouveau. Il y a 20 ans déjà, cette jeune Nigérienne était assassinée par des policiers à bord d'un avion de la Sabena. Pour rappel, Sabena, ancêtre de Brussels Airlines. Après avoir séjourné 10 mois dans un centre fermé et après 5 tentatives d'expulsion, Semira a été étouffée par la police avec un coussin. À l'époque, la technique du coussin était autorisée par les autorités, dans certaines conditions pour calmer les demandeurs d'asile. Depuis, malheureusement, pas grand-chose n'a changé, si ce n'est l'interdiction d'utiliser un coussin. Sur les 32 235 demandeurs d'asile qui ont reçu, en 2017, un ordre de quitter le territoire, 5 255 ont été effectivement expulsés. Ça, c'était pour le côté chiffres. Et il est temps que Brussels Airlines prenne position et arrête de déporter des personnes migrantes contre leur gré.

l'argent en est un qui nous contraint de nous lever trop tôt le matin. L'amour des métaux et du butin, des patrons nous la mettent profond, ça c'est certain. Je veux rouler ma bosse, ne pas bosser, rouer de coups mon boss, lui qui a bossé la tête, inquiète, on va lui raboter. Quand on sera unis, ça sera lui laisser sur le bas côté. T'es pas content, t'as qu'à pas voter, ça fait trop longtemps, ouais, qu'on se fait carotter. Tapis dans les bas-fonds, loin de la canopée, on l'a loupé, maintenant on va galoper. Leur saloperie, notre esprit salopé, toute leur panoplie qu'on détruit, ça nous plaît. Une cautérisation qu'on applique à nos plaies, ça brûle, ça pique, mais au moins on sera en paix. Aussi longtemps que l'ordre le servira, le chaos de l'injustice sévira. Mauda, Adama et Semira, mais quelque chose qui leur survivra. Une émotion dans les entrailles, jusqu'ici rien qui la supprima. Les oasis subsistent et constellent le désert des dictats. Nous habitons ce commun univers, la terre nourrit tous nos appétits. Redonnons-lui sa gloire d'hier, il y a d'agréables formes de vie. Tapis dans l'ombre de la poudrière, je suivrai la moindre de mes envies. J'ai été frappé par la foudrière, je me sens entre Mérine et Gandhi. Pour combattre toute infamie, pour chasse les richissimes, puis nique le FMI. La cruauté a atteint des sommets, panique dans les familles quand se déclare la famine. Je veux devenir riche à gogo, si tout le monde palpe le magot, sinon la fortune je décline. Forcé de séduire comme un gigolo, le DRH d'une bonne intérim. Je suis dynamique, polyvalent, j'ai l'esprit d'équipe et en plus je suis sympathique. Écoute comment je m'exprime, sous mon beau smoking, je suis entre Gandhi et Mérine. C'est les montagnes russes, je souris puis je déprime. Bolos sous prince du crime, mes lyrics assassinent. Même les vrais s'assassinent. Nous habitons ce commun univers, la terre nourrit tous nos appétits. Redonnons-lui sa gloire d'hier, il y a d'agréables formes de vie. Tapis dans l'ombre de la poudrière, je suivrai la moindre de mes envies. J'ai été frappé par la foudrière, je me sens entre Mérine et Gandhi. Nous habitons ce commun univers, la terre nourrit tous nos appétits. Redonnons-lui sa gloire d'hier, il y a d'agréables formes de vie. Tapis dans l'ombre de la poudrière, je suivrai la moindre de mes envies. J'ai été frappé par la foudrière, je me sens entre Mérine et Gandhi. Maintenant, on est en résistance aux expulsions. Donc, comment on peut empêcher une expulsion ? It's our government. If not, my God, KLM flight we seize in Nigeria with this guy. This guy go with us. The flight. That's fine. But when we pick him down, when we pick him down, take him down. Take him down. Take him down. Get him down from here. You are going. We have more people in Nigeria. Nobody treats this way. We shouldn't be maltreated as if we are nothing. Don't worry, we are defending them. You are the black brothers. You are not going anywhere. They'll take you down. Okay. Can I ask everybody to return to the seat? No, we want to see him down. We want to see him down. Enough is enough. Until the guy is down. But why weekend? Why all this? Take all the cameras out of our faces. We are going off. No, we need his face because if this guy, we don't see him anymore, the country will bear the consequences. We are afraid of what that can happen to this guy. So we have to video him. CNN and BBC will get the news. From here now, I will make it live video. They will see the guy so that tomorrow the identity will show us. We cannot be losing our brothers for nothing. We cannot be losing our brothers for nothing. Tomorrow we may not see the guy again. So with this video, you guys should provide where is the guy. Oh man. He will be okay, sir. Please take your seats. We don't want this guy to be down. We'll go and take our seats. Please, we want this guy to be down. Mister, can I talk to you? Yeah, I'm listening to you. I'm a customer. I don't want this guy to be down. You heard where this guy said I'm going to die. I don't want to die. You don't want to die. Okay, so I want this guy down, please. Listen, everyone, okay? Okay. Okay. Let my two colleagues and we go downstairs. Oh, that's fine. This person is not fly on your flight. Okay. Please help us, okay? Have a seat. Okay. Please have a seat, okay? This person is not on your flight. Have a seat. That's fine. Have a seat. This person is not on your flight. You want to see him out? No, we witness the guy be out. The guy must go down. Yeah. No, he's coming down because they are delaying to put step down here, so they have to take him this way. What kind of rubbish is this? Yeah, is it only Nigeria? No, it's Il y a plusieurs rôles à faire et donc c'est d'abord comme militante, tu peux lancer un appel alerte. Si tu sais si la personne veut être expulsée, il faut bien demander l'autorisation. si elle veut s'empêcher, tu vois, pour s'en aller, alors on peut lancer une mobilisation à l'aéroport pour prévenir les passagers de l'avion. Si oui, c'est aussi important quand même à la personne qui va être expulsée de lui dire de faire du bruit, parce que l'expulsé, son rôle, c'est de faire du bruit dans l'avion une fois qu'il est là, parce que ça peut qu'on cache la personne dans la toilette derrière les rideaux, qu'on n'est pas vraiment visible, donc alors les passagers ne savent pas où la personne se trouve. Il y a régulièrement des appels sur le site de Getting the Voice Out pour aller à l'aéroport, interpeller les passagers s'il y a une personne sur leur avion qui a déporté sans sa volonté. L'action est allée de sensibiliser les passagers aux guichets du vol d'intervenir une fois à bord pour empêcher cette expulsion et aussi leur expliquer la situation de la personne expulsée. Si vous ne pouvez pas se libérer pour aller à l'aéroport, il y a moyen d'écrire, téléphoner responsable, les autorités, la compagnie aérienne et exiger l'annulation de cette déportation. Une fois dans l'avion, la personne victime d'une tentative d'expulsion peut essayer de résister et attirer l'attention des autres passagers par faire du bruit. Les passagers ensuite peuvent refuser s'asseoir tant que la personne qui doit être repartée par la force n'aura pas été débarquée. Le pilote ne décollera pas s'il pense que la sécurité du vol n'est pas assurée. Donc, ça peut être aussi que la pilote lui-même prend l'action et refuse de s'en aller parce que c'est pas sous norme de sécurité. Par contre, si la pilote ne fait pas, c'est au passager d'aller appeler le commandant de bord pour lui dire que ce n'est pas sûr, qu'on ne veut pas partir comme ça. Si un passager refuse de s'asseoir, l'avion ne peut pas partir. Donc normalement, c'est le pilote qui fera descendre la personne expulsée et la police, bien sûr, parce qu'ils sont bien entourés par les flics. Et parfois, le passager, le rebelle, lui aussi est désembarqué. Donc il va sortir de l'avion. Mais pour les passagers qui se révoltent un peu à l'intérieur, donc pour ne pas pouvoir se mettre debout, pas s'asseoir plutôt, alors ça peut que la compagnie aérienne mette sur une liste noire, bon voilà, et que tu dois racheter ton billet d'avion après. Mais ça peut aussi être le cas que vous êtes accusé d'entrave méchante à la circulation aérienne, comme ça a été le cas pour les 6-0. On s'appelle, donc il y a eu. En été 2016, qui ont pris la place à bord d'un vol SN371 qui devait les emmener normalement à l'aéroport de Bruxelles National vers Douala, de Yaoundé, au Cameroun. Bon, ces passagers sont témoins d'une scène choquante. Un homme ligoté aux mains et aux chevilles est maintenu plié en deux sur son siège par deux policiers. L'homme se débat, crie et semble étouffé. Face à cette détresse de cet homme qu'on expulse vers le Cameroun, la majorité des passagers ne peut empêcher que de réagir. Ils refusent de s'asseoir en exprimant verbalement et pacifiquement leur indignation face à la violence de l'expulsion en cours. Devant les protestations des passagers, le commandant de bord ordonne aux policiers d'abandonner l'expulsion. L'escorte policier ainsi que le détenu descend de l'avion. Mais peu de temps après, plusieurs agents de police remontent à bord et désignent arbitrairement 6 personnes comme étant les meneurs des protestations. Ces 6 personnes sont arrêtées et emmenées au commissariat. Lorsqu'elles sont finalement libérées après 24 heures de détention, elles doivent payer de leur poche un nouveau billet vers le Cameroun. Ces mêmes passagers, 3 Français et 3 Camerounais, dont certains ne devaient passer à l'aéroport de Bruxelles National juste pour un simple escale, sont ensuite poursuivis pour entrave méchante à la circulation aérienne et d'autre part de ne pas s'être conformés aux instructions données par la commande bord. Au suite de cet événement, des associations et des citoyens lancent une campagne « Expulsion violente, je ne la boucle pas » parce que nous considérons que face à la violence de l'État, le silence est inacceptable. Un appel est lancé pour être présent et montrer le soutien aux 6 passagers inculpés qui doivent comparaître le 15 novembre 2017 devant le tribunal correctionnel de Bruxelles et dénoncer cette tentative de criminalisation de la solidarité. Voici un audio qui est fait par un groupe d'activistes d'Hambourg à ce rassemblement. Bien, bonjour chers frères, chers camarades. Nous avons fait le déplacement de Bruxelles pour, n'est-ce pas, nos frères qui sont en procès pour la déportation. Alors, nous venons parce que nous disons non contre la déportation. Nous demandons, n'est-ce pas, aux pays européens d'arrêter, n'est-ce pas, cette action-là parce que c'est injuste et c'est inhumain. Nous vivons aujourd'hui un phénomène. Il est normal que l'Europe, n'est-ce pas, importe nos produits, n'est-ce pas, prenne tous ce qu'on a en Afrique pour venir ici, chez eux, développer. Et anormal que les humains, les Africains arrivent ici, que les gens du Moyen-Orient arrivent ici, que les gens du Balkan arrivent ici. C'est normal, c'est deux poids, deux mesures. Les richesses viennent, mais les personnes ne viennent pas. Sinon, des personnes désirables. Alors, comment on aura des personnes qui sont désirables et d'autres personnes qui ne sont pas désirables? Cela ne s'explique pas. Voilà pourquoi nous, de l'Allemagne, nous avons répondu massivement présent à ce procès pour dire non, pour demander, n'est-ce pas, à l'Europe, haut et intelligible voix, d'arrêter cette action-là. Parce que nous sommes là, avec ou sans papier, nous resterons en Europe. Qu'ils arrêtent, n'est-ce pas, de piller d'autres pays dans le monde, qu'ils arrêtent ces injustices, qu'ils arrêtent les guerres qu'ils créent partout, et chacun restera chez eux. Moi, par exemple, si on me dit, on retourne tout ce qu'on a pris en Afrique, je suis fier de rester en Afrique, je suis fier de rester chez moi. Et puis on ne vient pas en Europe, n'est-ce pas, pour être immortel. Tous nous sommes des humains, tous nous allons passer. Nous avons des camarades que si nous n'étions pas venus, si nous n'avons pas rencontrés, nous avons de bonnes personnes, nous avons des personnes aimables. Nous devrions échanger, nous devrions partager, nous devrions vivre ensemble. Nous sommes tous humains et nous avons le droit. Et cette liberté, n'est-ce pas, devrait être pour tous. Il n'y a pas la liberté qu'on doit marcher partout en Europe et d'autres pays, d'autres continents, non. Je pense que nous sommes là pour dire non à cette injustice. Nous sommes là pour dire non à ce phénomène qu'est la déportation. Et encore même, quelle déportation? Et comment est-ce que ça se fait? Il est anormal de tenir quelqu'un par le cou, de le serrer, de l'étrangler. C'est anormal. Et cet acte-là, nous disons non et nous le dirons jusqu'à la mort. Non, non, non. Chez nous, en allemand, on dit stop, stop, stop deportation. Stop. Merci. Stop deportation. Ouais. Le 13 décembre 2016, le tribunal correctionnel de Bruxelles a prononcé l'acquittement des 6 passagers poursuivis pour s'être opposés à l'expulsion d'une personne sans papier à bord de leur avion le 17 août 2016. Donc, au final, ça vaut la peine d'empêcher une expulsion. Donc, voilà. Et si ça passe mal, il y a quand même plein de soutien pour vous soutenir et on arrive à être acquitté. Donc, comme ce qui vient d'être dit, effectivement, ça vaut la peine. Et donc, à tous les sceptiques ou à ceux qui doutent que l'arrêt des expulsions soit possible, sachez que Virgin Atlantic Express, en Angleterre, a annoncé qu'ils arrêtaient de collaborer aux expulsions en juin 2018 suite aux actions de Lesbian and Gay Support the Migrants. Donc, c'est possible, on continue la lutte. Bon, on est toujours à l'intérieur du bâtiment. On est maintenant une 20 personnes à l'intérieur. Niemand ist illégal. On crie les slogans. Niemand ist illégal. Il y a des flics qui empêchent les autres gens qui sont à l'extérieur d'entrer. Donc on reste un peu une 20 personnes ici à l'intérieur. Et les flics sont en train de empêcher. Ils sont bien au portique. Il n'y a pas moyen de venir chez nous. Mais il y a aussi le samba à l'extérieur, qui fait du bruit, qui dérange quand même un peu. Vous pouvez le baffle ici, parce qu'on voulait faire l'émission à l'intérieur pour déranger aussi les gens qui travaillent au bureau ici. Mais ils ont nous empêché de ça. Bon, là, on va parler un peu de Frontex. C'est une agence européenne de gardes frontières et de gardes côtes. Frontex, ça vient de frontières extérieures, a été créée en 2005 et est basée à Varsovie, en Pologne. Elle a pour rôle principal d'aider les États membres de l'Union européenne et de l'espace Schengen à sécuriser leurs frontières extérieures et plus particulièrement à contrôler l'immigration illégale. Pour nous, personne n'est illégal, mais bon, ils considèrent tout le monde comme illégal, migrant. Elle collecte également des données sur les activités criminelles transfrontalières et dispose d'une réserve de réaction rapide de 1500 agents. La plupart de ces opérations majeures de Frontex ont lieu en Méditerranée, bien connu quand même que des milliers de personnes sont mortes ces dernières années en tentant d'effectuer la périlleuse traversée de l'Afrique de Nord vers l'Europe. Ben voilà, c'est Frontex qui est coupable pour ça, qui est responsable de ça aussi. Donc ils coordonnent aussi des opérations de renvoi des migrants irréguliers vers leur pays d'origine. Elle peut aider les États membres à financer les coopérations, opérations de retour et à coopérer avec les pays tiers chargés des procédures de réadmission. La plupart des États membres organisent les opérations de retour individuellement, mais il existe aussi une possibilité pour deux ou plusieurs pays d'organiser une opération de retour conjointe. Si un État membre organise une opération de retour par voie aérienne vers un pays de retour spécifique et dispose d'une capacité inutilisée dans l'avion, il peut inviter d'autres États membres à y participer. Pour permettre à l'agence de mener à bien sa mission, son budget passerait progressivement de 281 millions d'euros en 2017 à 322 millions d'euros en 2020. Donc voilà d'où on va l'argent de l'Europe. Le personnel de l'agence passerait progressivement de 400 membres en 2016 à 1000 en 2020 à 5000 en 2021. Et le corps permanent serait pleinement opérationnel d'ici 2027, donc avec 10 000 personnes. Donc ils ont déjà vraiment libéré le budget, libéré le personnel, tout ça pour Frontex. Actuellement, l'agence dépend uniquement des contributions des États membres. Pour moi, c'est très important op un certain point, 100 millions de plus ou moins, ça ne fait pas de différence dans votre vie. Non. Je ne pense pas. Les vols collectifs organisés avec ou sans Frontex sont aussi organisés plus en plus régulièrement depuis Belgique. Ces vols ne sont divulgués à personne par les autorités et semblent faire partie des secrets d'État. Le vol collectif le plus récent en Belgique, vers la Guinée, c'était la RDC et Sénégal, a eu lieu le mardi 26 mars 2019. C'est que via des contacts avec les détenus dans le centre fermé qu'on peut être mis au courant de ce vol spécial, parce que personne d'autre est au courant de ça. Ceci peut dire que c'est possible que ce soit un vol organisé sous l'égide de Frontex et que des personnes venant de pays Schengen feront partie de ce vol et sont amenées au 127 bis ou directement à l'aéroport. Tous les détenus concernés en Belgique se seront ensuite transférés des différents centres vers le 127 bis, près de l'aéroport. Ensuite, les visites au 127 bis seront supprimées pour mettre le dispositif en place. 4 à 5 heures avant le vol, l'embarquement des expulsés dans les camionnettes et des bus, parfois des militaires avec. Les prisonniers sont menottés, accompagnés chacun de 2 ou 3 policiers en uniforme en civil. Et ceux qui ont refusé une expulsion précédente et qui donc sont considérés comme dangereux ont droit à un traitement spécial. C'est l'isolement, mise à nu et flexion en présence de policiers, ligotés et accompagnés d'une escorte spéciale. Cet avion vol spécial, son vol de l'aéroport militaire de Malsbroek, chaussée d'Acht 138 à Steenokerzeel. Je m'appelle Malora, je suis arrivé dans une villa, dans une ville grotesque. C'était plein de villas, des hommes vilains, je ne voyais pas vivre là. L'ivresse dans l'air pollué au cigar, hélas. Mais j'étais là pour ma familia, obligé de bosser. Donc de 23 à 6, je me vendais sur la chaussée à des types qui me donnaient la nausée pour faire des choses dégoûtantes. Et je n'osais pas crier SOS, peur que le patron allait me tuer. Donc je demeurais mon ego clôturé. Ça durait 4 années et je n'en peux plus, j'aurais 16 ans en 2 mois, et mon âme est perdue, mon vécu est alourdi de tristesse et de peine. Dieu, pourquoi m'as-tu laissé seul dans cette arène aride? Mon cœur bat à peine, ma vie est épuisée, j'attends que les anges m'emmènent. I'm a face stuck on chain, wish I could ease the pain. Ain't no way turning back for me, still praying for a better day. Don't let them take my soul away. Why does the sky turn grey, Lord? I would like to stay, but I don't wanna live my life this way. Locataires étaient assis à l'arrière d'un camion qui me transportait avec d'autres, je ne savais pas où. Finalement, comment était la destination? Pas la grande ville est là, je me posais des questions. Une fois arrivé, cet arrêt de mes frères m'ont séparé. Sans pouvoir dire au revoir, sans être préparé. Je ne savais pas pourquoi on nous tapait, on nous frappait. Je ne savais pas où j'étais, mais c'est quoi qui se passait. Il s'avérait que les mecs qui menaient le voyage étaient des trafiquants d'enfants. Ils m'ont foutu dans une cage, là je travaille dans des plantes. Là j'entends qu'esclave, chaque jour me demandant si mes parents le savent. Étaient-ils conscients de qui était cet homme? Tant de questions, mais voilà ravager ma vie de môme. Je voulais juste bout de terre, famille et vie normale. Mais le destin m'a condamné à cette vie banale. I'm a slave, stuck on chains. Wish I could ease the pain.

Alors, je continue. C'était une petite entracte dans la description des centres fermés. Soulignant que le mardi 7 mai dernier... Alors, on nous annonce, petit flash info, que la presse est là. Super. Donc, on va... Elle était déjà là avec Radio Panique, effectivement, mais on va essayer de faire masse. Enfin, j'espère, et de faire parler de cette action et des expulsions dont Bruxelles Airlines se rend complice. Alors, je disais, avant les deux entr'actes précédentes, que le mardi 7 mai, Maggie De Blocq et Koen Gaines ont visité, applaudi et trinqué à l'ouverture d'un nouveau centre fermé pour femmes à Holzbeck. L'ouverture de ce centre fermé s'inscrit donc dans ce projet de master plan centre fermé, qui a été adopté en 2017 par le gouvernement et qui prévoit donc un doublement de la capacité de rétention du pays pour atteindre 1129 places d'ici avril 2029. Donc, c'est énorme. Donc, le nombre de places actuellement disponibles sont de 573. Donc, c'est vraiment un gros doublement. Alors, pour la petite histoire, par rapport à Holzbeck, les médias ont fait la publicité des politiques meurtrières du gouvernement, en relayant notamment le confort des chambres, avec en spécifiant en fait qu'elles disposaient toutes d'une prise pour TV. Mon Dieu, c'est génial. Donc, cela a été dénoncé par plusieurs collectifs, et depuis, la presse a modifié ses articles. Donc, il est important de montrer qu'il y a un rapport de force qui s'opère, et qu'il y a des gens qui luttent et qui dénoncent les centres fermés, et surtout de bien mettre l'accent sur le fait que la lutte continue et que les gens sont chauds pour crier leur colère. Donc du coup, outre le réaménagement et l'extension des centres qui sont existants, il y a deux nouveaux sites qui seront créés. Il y en a un à Jumet. Cependant, manifestement, le projet semble être compromis puisque le permis vient d'être recalé. Mais il faut cependant garder l'œil parce que le gouvernement fédéral qui est porteur du projet, à l'opportunité d'introduire un recours devant le Conseil d'État. Et le deuxième centre qui sera probablement ouvert, donc c'est à Zandvliet, j'espère que je le prononce bien, donc tout près d'Anvers. Donc soyons au taquet. On va écouter le témoignage de Liliane, qui va parler de centre fermé comme femme détenue. Je suis en Belgique depuis le 18 avril et je suis venue avec un visa de court séjour, entre autres 20 jours. Et donc un visa qui m'a été délivré par l'ambassade de la Belgique. En ce qui concerne les centres fermés, je voudrais dire que c'est une totale abomination. C'est l'endroit où on m'a emmené, donc ici, c'est le centre Caricole de Zaventem. C'est une totale abomination, je disais, où les droits de l'homme sont bafoués. C'est une machine, en fait, un monstre qu'il faut détruire. Car l'homme, ici, au centre, est transformé en un animal qui a perdu sa liberté d'expression. Parce qu'on ne vous donne pas, depuis la police à l'aéroport, on ne vous donne pas la possibilité de vous exprimer. Sinon, on vous traumatise, on est violent avec vous. Et non seulement l'homme perd sa libre expression, mais il perd aussi son droit à la liberté, qui est un droit fondamental pour tout être humain. Il est en prison, en Belgique, pour avoir demandé l'asile ou une visite avec un visa. Une visite dans le royaume de Belgique. C'est inacceptable. On n'est pas des criminels. Les gens sont ici, il y a même des enfants ici. Nous sommes avec leurs parents, nous ne sommes pas des criminels. Les gens ne sont pas des bandits, ce ne sont pas des terroristes, mais on les prend à l'aéroport et directement dans une prison. Et on se comporte avec ces gens comme des prisonniers. Tout est fait, vous n'avez pas votre téléphone, on vous retire votre téléphone, on vous donne un petit téléphone de rien du tout, alors que nous sommes à l'âge, à l'ère de l'informatique, de la technologie, de haute technologie, vous ne pouvez pas être sur WhatsApp, vous ne pouvez pas communiquer avec vos familles, vous êtes en prison, c'est une prison. Caricole n'est pas un centre fermé, c'est une prison. Donc en ce qui concerne la politique de l'immigration, je suis persuadée, et je pense ce que je dis, et je le pense, doit être révisé. Nous, étrangers, nous ne sommes pas bien accueillis. C'est un mauvais traitement qu'on nous accorde quand nous arrivons, alors que les étrangers, les Belges qui viennent dans nos pays, ils ne reçoivent pas le même traitement. On doit respecter l'être humain. On doit donner du respect à une personne. Elle doit pouvoir s'exprimer. Ça, c'est pas, on vous donne le visa dans votre pays, et quand vous arrivez à l'aéroport, le même pays vous retire le droit d'entrer dans le pays. Ça veut dire qu'il y a un problème entre l'ambassadeur qui est dans le pays, qui délivre le visa, et l'immigration qui vous reçoit à l'entrée du pays. Voilà ce que j'ai à dire. Alors, il nous reste un petit peu de temps. Peut-être qu'on peut faire un petit point agenda ou petit point micro vert pour des gens qui voudraient peut-être exprimer quelque chose. Alors, dans le point agenda, on vous annonce la tenue d'un week-end no border le 25 et 26 mai. Il y aura notamment une soirée de soutien pour soutenir les collectifs no border. Vous êtes toutes et tous invités. Alors, peut-être qu'on peut sonder un peu les gens, voir si quelqu'un a envie de s'exprimer sur les expulsions ou simplement sur l'enfermement. Comment ils trouvent l'action déroule? Bonjour. Donc, sur les centres fermés, c'est une forme d'emprisonnement et il y a plusieurs collectifs qui sont en train de lutter contre toutes les formes d'enfermement, quelles qu'elles soient, que ce soit des personnes innocentes ou des personnes qui sont reconnues d'un crime par l'État et par la justice étatique. On aimerait remettre ça en cause. Plusieurs personnes ici dans ce groupe aimeraient remettre en cause le fait qu'il y ait des condamnations, le fait qu'on enferme des gens, qu'on les isole de la société et qu'on ne leur propose aucune piste de reconstruction et de réinsertion, que ce soit les centres fermés, les prisons, que ce soit pour des illégaux ou des personnes condamnées, le combat est le même. On pense que ces endroits sont avant tout des endroits qui mortifèrent, qui détruisent les personnes, qui brisent les personnes, qui mutilent les personnes et qui poussent au suicide. Donc voilà, on espère vraiment, on pense qu'il y a des convergences entre ces deux luttes et on espère vraiment que le 21e siècle verra la fin de toutes ces prisons, de tous ces centres fermés et de toutes les cages qui enferment et qui brisent les personnes. Merci. Alors, petit flash info express, manifestement la presse est bloquée dehors, donc... Le personnel et la police n'ont pas l'air très heureux, très enthousiastes par rapport à cette action. On n'en attendait pas plus de toute façon. Voilà, mais la presse est bloquée dehors et donc vive la liberté d'expression. C'est pour ça qu'on a le média alternatif. Là, on peut au minimum s'exprimer. Oui, normalement, il y a une rediffusion, si tout se passe bien, Tranche d'Anar, l'émission anarchiste à Radio Air Libre, le mercredi soir à partir de 20h30. Mercredi soir, le 15 mai, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas peut-être encore dit, mais on l'a lundi 13 mai. Et il est maintenant presque midi. On est ici presque une heure. Et on espère pouvoir continuer. Et aussi aujourd'hui, il y a un lancement de campagne Stop Brussels Airlines, Stop Deportations. Et donc, pour plus d'infos, pour poursuivre aussi toutes les actions après, toutes les idées et tout ça, c'est le site web, c'est Brussels Stop Deportations, mais Brussels S Stop Deportations S2 avec SSS.net. Aussi une page Facebook et donc qui s'appelle Brussels Airlines Stop Deportations. Donc on vous invite à nous rejoindre tant sur les radios que sur les réseaux ou sur le site internet si vous avez des idées d'action ou si vous avez envie d'agir. C'est le moment, c'est l'instant. La campagne de toute façon va se poursuivre jusqu'à ce que Brussels Airlines décide d'arrêter définitivement les expulsions. Donc j'espère que ça sera vite. Mais néanmoins, s'ils le font pas tout de suite, il faut se chauffer et il faut y aller. Et donc on a aussi un message personnel, même s'ils ont l'air de pas vouloir nous écouter aujourd'hui. Peut-être entre vous, il y a quand même quelqu'un qui veut peut-être dénoncer quand même parce que vous êtes peut-être pas d'accord du tout avec qu'est-ce que Brussels Airlines fait, même si vous travaillez là-dedans. C'est de prendre contact avec nous sur le. Il y a moyen via un formulaire anonyme sur le site de Brussels Deportations de témoigner de votre réalité, donc tout ce que vous devez faire parce que votre compagnie demande, votre chef demande. Ou même si vous êtes délégué syndical, vous aussi, vous pouvez s'opposer à cette pratique et faire valoir vos droits. En plus, c'est ça aussi, tu vois, les déportations, il n'y a personne qui... c'est d'abord choquant pour les passagers. C'est aussi le personnel, ils sont mis dans des situations de stress. C'est pas bien pour vos employés. Donc, il n'y a vraiment pas d'intérêt à continuer cette déportation. En plus, vous n'êtes même pas obligé, tu vois. On ne peut pas dire qu'on doit suivre la loi parce que ce n'est même pas la loi qui vous dit de faire des expulsions et de collaborer avec l'État belge là-dessus. Prenez l'exemple de Virgin Atlantic Express comme en Royaume-Uni, voilà. Alors, pour terminer là-dessus, j'imagine qu'une des raisons, c'est se faire du fric, mais se faire du fric, à quel prix ? Au prix d'une expulsion dont en fait vous ne connaissez jamais les conséquences puisque j'imagine que vous ne restez pas en contact avec les personnes qui sont expulsées, mais en tout cas ça débouche parfois sur des choses horribles, donc il est temps d'arrêter. Donc du fric, oui, mais à quel prix? Alors l'émission se termine tout doucement. Dernier petit flash info, la police est toujours là, rien ne semble bouger, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore eu d'arrestation. On espère qu'il n'y en aura pas. On verra bien. Nous, on se quitte là maintenant tout de suite. On reste encore, en tout cas, dans les bureaux, au siège plutôt de Brussels Airlines. Peut-être pour un petit moment, peut-être pas. On ne sait pas trop comment ça va évoluer. Mais néanmoins, merci de nous avoir écoutés. Et on se retrouve donc sur le site internet www.brusselsstopdeportations.net ou sur la page Facebook Brussels Stop Deportations. Donc, diffusez l'info, c'est déjà une petite chose. Et sinon, vraiment, venez nous soutenir, venez faire la campagne avec nous. On a besoin de plus en plus de gens pour ça, parce que vraiment, ça doit s'arrêter, ça suffit. Ça fait déjà 20 ans de centre fermé, 30 ans de 20 ans d'expulsion, ou même plus, on ne sait même plus compter, c'est vraiment trop. Voilà, donc rejoignez-nous. On n'oublie pas, on pardonne pas, c'est Mirah, Anna, on n'oublie pas, on pardonne pas, c'est Mirah, Anna, on n'oublie pas, on pardonne pas, c'est Mirah, Anna, on n'oublie pas, on pardonne pas, c'est Mirah, Anna, on n'oublie pas, on pardonne pas, c'est Mirah, Anna. On n'oublie pas, on pardonne pas. L'État belge déporte Brussels Airlines transporte. L'État belge déporte Brussels Airlines transporte. L'État belge déporte Brussels Airlines transporte. L'État belge déporte Brussels Airlines transporte. L'État belge déporte Brussels Airlines.